nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gariou Hervué, l'émission Trihan Unek à Perugen, 391. Alors, quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, j'ai pensé parler d'un mot qu'on utilisait très peu dans la langue traditionnelle et qu'on entend beaucoup maintenant. Du fait que notre société a changé, on va voir un peu ça, quoi. Donc c'est Kéjan. Mm-hmm. Kéjan qui veut dire... qui veut dire à peu près rencontré en français. Et il est suivi de gant. Que je me gantant, je l'ai rencontré. Ah, voilà. Alors en fait, c'est un dérivé d'un adjectif. Hein, le verbe est dérivé d'un adjectif qui est kej, hein, qui veut dire joint, convergent. Oui, voilà. Et donc, qu'on retrouve également en gallois, hein, pas écrit de la même façon, mais prononcé pratiquement de la même façon. Alors, il est peu employé dans le breton populaire. Il existait quand même. Hein, on le trouve, par exemple, dans le dictionnaire de Grégoire de Rostronin, en 1732. On trouve le verbe « kéjan », écrit avec un « q », bien sûr, comme ça s'écrivait à l'époque. Mais il était, en fait, très, très peu utilisé. Et dans le breton contemporain, on l'emploie très souvent. Hein, kéjan, on entend souvent ça. « Kéjan meuse grand temps ». Il n'est pas sûr que d'ailleurs ça soit compris par tout le monde. Alors, je me suis demandé pourquoi en fait on trouvait pas ce mot-là beaucoup dans le breton traditionnel. C'est-à-dire qu'en fait le breton parlé est issu d'une société traditionnelle. Et en fait la rencontre, au sens où on l'emploie aujourd'hui, la rencontre était quelque chose de rare. Parce que rencontrer quelqu'un, il était rare qu'on rencontre quelqu'un qu'on ne connaisse pas autrefois. Mmh. Mmh. On connaissait tout le monde et on connaissait toutes les familles, hein, les gens des villages autour. Donc, alors la rencontre telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut dater et qu'on peut localiser. On dit j'ai rencontré telle personne à tel endroit, tel jour, ce qui était très rare, bien sûr, dans la société traditionnelle où en fait c'est pour ça qu'on traduisait pas rencontrer, on disait guelmeuse, j'ai vu un tel et tout ça. Mais il n'y avait pas à employer le mot de rencontre. Et donc, c'est là qu'on voit que la langue est très liée, en fait, à la façon dont les gens vivent, quoi. Donc, on trouve ça quand même dans certaines chansons, parce que, justement, c'est un événement rare. Hein. Donc, on trouve, par exemple, dans certaines chansons où l'auteur dit qu'il a rencontré une jeune fille un pardon, par exemple, ou à une fête. Hein, un gars très margate qui avait rencontré sa belle dans une fête au bourg de Pemrit. Et alors, il a une formule assez alambiquée pour traduire ça. Il dit, tiens tant de moi bien Ninor, dont Tésir en a à vous. La première fois que j'ai eu l'honneur de faire sa connaissance. C'était vraiment une façon très cérémoniale de dire les choses. Parce que, effectivement, c'était là une véritable rencontre. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas auparavant. Donc comme dans le breton d'aujourd'hui, on a besoin de souvent dire ça. On a traduit ça. On a repris le vieux terme hein, de kéjan. Hein. Kéjan et on l'entend très souvent quoi. Hein. On l'entend pas mal dans le milieu de la musique. Oui. Kéjage, Jean-Luc Thomas. Oui. Kéjage, c'est un groupe de musique aussi. Oui. Kéjage, c'est un groupe de musique. Alors justement. Je disais, ça traduit à peu près rencontrer, mais pas tout à fait, parce que c'est pas une rencontre, c'est une rencontre qui est suivie d'un effet. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire que si on rencontre quelqu'un et qu'il n'y a pas de suite, si l'on peut dire, c'est pas kéjan. Kéjan, il y a quand même une relation qui s'instaure après, quoi. Et donc c'est rencontrer, mais avec cette idée. C'est pas juste faire connaissance. C'est qu'après il y a quelque chose, ça va même. En musique, c'est presque de la fusion, hein, un rapprochement, une fusion. C'est pour ça, c'est toujours difficile de. Et alors, il y a aussi cette idée de réciprocité, c'est-à-dire que Kéjan, c'est une rencontre où l'autre pourra dire la même chose, quoi. Hein, si je rencontre le président de la République, ce sera pas, on dira pas Kéjan Grande.

Hag c'est tu au bientro au bientro roi ne la ring que tout pèse pèse au bavro. Bon déjà m'avait comme de ce là bordeau à un temps. Nom j'en sou bébra va mis wen puis va mis gouere va la dernière jeune dit. Hag bon j'ai au ma vie d'un trévad ou un quel va leur maïs à gar betraves hein rala pour mode hein gresque mode. Hag bon puis dire ne ce que de wen de zéri et ben vraiment zo zo bédo bandour hag et moi au bandour que chom un trop oisir me mestra hag c'est tu bon am zavad vide un touriste am zavad vide vacances aérien hag am zavad vide labourer aérien douar c'est une écfal bénéfine bon war dachen labour douar me mestra zo tant mo cudé nous heur mar aimant à 13 ma 13 un peu sclève comme de ce zicour y ouvero et de vite case mesevro hier scorned hein zivelard restitution ag bon un trouse au honte de vous de annul vraiment mais c'est ouais bah de ce vigé comme de pemperoir l'assaut déjà mais bon PAI vraiment bon zo zo trouse ganzi hein plusieurs au stalio vel vel dou atili sabaco zo labour à loirzé ag drezi courrier aux vigés moyenne de gaz bruit scorn de mes de zevro appel de zevro bon c'est tu autant mocudé nous ganzi ou en que pessa mot de vos grettes ma 13 un nouveau que casse de bruit de scorn de l'RL mais wakan donnera gual reis bénéfine à casse un trous scorn de mames babroyo vel bro africa ma peswan zizo valtré vidon dudes au sève long de baénan bon c'est tu ma 13 un vos rêves de chinche mot de la bourrate bon war d'achen nu ou so calze gudé nous war marément puis du reprise so aïs el tré war l'an et war et eu leur prise bénéfine de chambre que l'on trouve mames mot gwejebit ag c'est tu bon so à kunard des laborerien douar so hor Uyo, bon, ma treize en, vos chouleurs en trouve un homme sur deux ondes, mais n'est que zuyo rangé. Bon, bavro, hendel, zo, zo cal, zo trou, hein, handelard tard, on tombe, sorbo, musque dur, je cal, zen trou, là, que deux yours ban affaire, yo. Nusque gual belzo, gred, or pis fait bras, bah, corle, viden tard, Christian Stenou, juste one comme zez Africa, hein, Christian Stenou, zondin de Styrian, ag zo belg, a zo labourad, hein, zo hana vedmad bavro, vide la bon deus gret, vide reglan, ba broyo ze, hag ne eso, oa gret ur gwell, hein, ba korle, hag ur ze stad, zo bro etan, ur ze stad, et, légion d'honneur, ma peson. Hag mi gaftin eo an dra vald rei ur ze stad de Christian Stenou. Ka de gal, zo dud verre la meritan, kizze, hein, futur zo waran ket tos de gant mi le du da keneuz légion d'honneur, ba, brovrance, a dern, dern veten digantek, rivetap de l'air aspe, war eske loaz, bon, veten de un urs dem, et bon vi Christian Stenoum, me straio un dravat, reize dan vi tout de la bon eus gret. Bon, gwele meuzar bremañ zo hont de vout ur gwele c'hoaz vid un tigar gwengam. Pe dur, kan a hantur kan lasso, oa bet de digor de gar ba gwengam, setu oa un train a tet de Paris bet a gwengam. Ne ke pelor, hein, gwengam oa un terminus de un train. A oa l'air oa bet kas na han bet a Brest. Met ar oa ober de labour ya ou d'or vi kas un train bet a Brest hag oa ke be, daoula oa bet laket vid ar ze. C'est une part d'aula wapé de Gwengam terminus un train. Hag, bon, c'est tu vos grèdes, bah, Miss Gwengo, le ware vos grèdes, or Gwel, la visé, bah, Gwengam. Hendel, prestige vos moyens de velle droite, un arvestan à curune, bah, nabati, bon repos. Brezon de Vellard Bonnard et Cuyem, de la Rade Vellard, vel in latin. Pe oan yo wang bez beklevet alis, komz de sa bati Bonnard et Cuyem. A roaz vigelaret, hemera ke beklem bede ba Bonnard et Cuyem. Ou aran ke pereg vigelaret ze, on dra beneket zo ben mahad, hag bon ve bepla ve gred narvestan akurun, ba Ben non, hag ziz o brav tre de velet, mas en halin mont de vel blam. Peut dire pem quoi je votre dramno en arwest a tud de zevroz o hag ha de hoari ba ba pesoir et a tud de zevro am de la rue en les rela kakal ze du des red card un vide orzé quoi bon endel peut dire on comes de ze de stro azo begret bavro nevesos au gred au lever ou argent gouriou Jean Gouriot ou Athènes hors portrait joue, Bazan Nicolas, hag neus get calz portrait joue, portrait joueur, portrait joue bebsa. Hag vraiment, bon, on disqueza de gwa begret, war Jean Gouriot, gant gevridig eus glad, Jean Nicolas. Hag vraiment zo gret o lever, hag zo moyen de gade levers, de breno o levers, pe son dravat. Nevesso, meus gwell oas, o... Ou abe de vote de vie de Gwen Orbla, de l'arrêter, l'arbre de l'année, une galac. Am va très un peu se bégoiser. Ya. Ag zo be dilen de bénéfine. Ya, je vote vigé ou à internet. Zézo cause, parce que vote. Mais de vote vigé ou à internet. Ag et orfen zo ar couldri béar zo be de dilenet. Vidze quoi lac de Gwezener bla bon on doit avoir des vides en vrai c'est le fin du soir plus dur Hervé Claude ou un change de droit ou Evans au Nebabla et Ozo plus dur mon Betagoni j'ai bé distruit je de Houldry mais Bénéfine et Bémir et de Vélo Chance à gué deuil de vous dans le temps un arroise de Stier Béard un symbole m'a besoin de ce de Stier Béar, quoi. Bon. Hendel Bavro a revel en ve, ve gret calze drou, de mer ar da skoer ba loudiak ve, ve gret ar vest ou viden dut, tu dor vro an a an touristen, a de yo na han ve gret ba gwengam, a de gwen ar ve get trou ba rostren, se tu zo moyen don te val e on tom bebler, a roas de yo ve gret trou ar chapelio, a gansé, bem dis zo moyen de gret trou ba vro, il y a trois chapelles ou vegred à Zidiersman, un DL ou à bas compostal, bas chapelle compostal, à vraiment dramno bas Zangil, bas Guar, bas les Arioel, ouas, à Bénéfine, vous échu, bas très mal, gad, no warning, de ze misest. Bon, c'est tu, ou alors, à Prestiquas, plus dur content de ze vro, vos festival plin, bandanout. Agar bon rede soin de zis qui zone pline pe commande de zis qui danse alpe pe de gande bon resga au vlija du renan a waler vos festival ficelle et vel juste vel bepla quel rede au calze drogue d'or bavro bon c'est tu un temps de spessonné vie de nan bavro a que bon benavegel non quand même vie de distroscol hein bon tu es norvégel hein norvégel Eric